tranquilo. Abre los ojos. Clair obscur. Musique sombre sur Rage. Bonjour minasan, clair obscur ou kitei masu, yoroshiku onegai shimasu. Ou autrement dit, bonsoir à tous. Vous êtes bien dans clair obscur. Non non, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous nous rejoignez ce soir sur les ondes de Rage pour une émission spéciale Japon, n'est-ce pas Stéphane? Oui, et puis avec ton petit accent quand tu dis de fréquence, on ne peut pas se tromper. On est bien dans le sud-est, du côté d'Avignon, de Nîmes ou d'Arles. Bonsoir à tous. Ohayo gozaimasu, kyodai. Et puis on va arrêter de parler japonais, c'est juste pour faire nos intéressants. Mais c'est une belle langue à laquelle on va rendre hommage ce soir. Tout à fait. Et pour commencer, tu nous as ramené un petit morceau fort entraînant pour attaquer le tout. Oui, on commençait tout en énergie électrique, comme ne le laisse pas deviner ce joli tapis de musique traditionnelle que je vous ai ramené ce soir pour changer un petit peu des habillages dont on a l'habitude. Et c'est 54 pardon, Nude Onis avec le morceau Where is Love. C'est un quatuor de Nana de Tokyo et qui ont une énergie qui rappelle la grande époque des Johan Jets, ce genre de rock'n'roll un peu endiablé des années 70 qui a eu beaucoup de succès au Japon et qui continue par-delà les dizaines d'années qui s'écoulent d'en avoir du côté de la capitale. Voilà. On va aller maintenant vers un autre artiste, lui aussi connu, reconnu non seulement sur son île, d'ailleurs c'est un métis, c'est pas un pur japonais, ce qui prouve que les mentalités dans cette petite île évoluent, puisqu'il est métis coréen-japonais, et que les japonais ont un petit problème historique avec les coréens. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez reconnu, de Miyavi, avec le morceau que je vous propose d'écouter tout de suite, « Please, Please, Please ». Yeah. が夢なしじゃ生きれないように私もだからねえラリンプリーズプリーズねえ置いてかないでプリーズプリーズねえお願い Miyavi avec le morceau Please, Please, Please. Ce gars joue de la guitare comme un dieu, vous l'aurez compris, vous l'aurez entendu à l'écoute de ce morceau. C'est un artiste qui est connu, en tout cas en Occident, en tout cas en ce qui me concerne, depuis un an et demi, deux ans. Et il a été reconnu donc depuis un peu plus de sur les îles devrais-je dire du Japon. Et quand je précisais que c'était un métis, c'est pas un détail en l'air. À mon sens, ça a quand même un détail assez important vu le racisme qui a existé. On peut le voir dans les actualités à propos des manifestations en Corée par rapport aux crimes de guerre japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant. C'est quand même une belle preuve de tolérance et d'évolution des mentalités dans la population japonaise. De fait qu'un artiste métis coréen japonais puisse avoir autant de succès par-delà et par-devers ses origines, son talent a fait la différence. Et sa coupe de douille aussi, parce qu'il a une coupe de cheveux assez impressionnante et qui justifie peut-être le Dark Samurai Tour qu'il a commencé depuis quelques mois et qu'il portera en France dans quelques mois, justement. Une coupe de douille, disais-je, qui rappelle un petit peu les personnages de manga qui t'ont particulièrement influencé, Nathalie. Oui, alors moi, c'est vrai que ce soir, j'avais envie de vous parler aussi des mangas et des animés qui sont inhérents à la culture japonaise, même si en France on les a découverts de manière un peu maladroite via le Club Dorothée et les Chevaliers du Zodiaque et tout, pour ceux qui ont connu cette période-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas que les japonaiseries, comme on disait à l'époque. Il y a... Oui, c'était une... Bah non, tu fais bien de le souligner. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Et les films de Miyazaki, tout ça, ont beaucoup souffert de la mauvaise réputation qu'ont donné les séries bas de gamme du Club Dorothée. Qui était largement amputé aussi en France, parce qu'à la base, c'était un format adulte qu'on présentait à des enfants. Donc, on coupait les trois quarts du scénario. Enfin, c'était une boucherie. Et ce soir, moi, j'avais envie de vous parler d'un de mes mangas et animés préférés, nommé Ghost in the Shell, pour ne pas le citer. On en a déjà parlé. On en a déjà passé un morceau il y a quelques temps, mais j'avais envie de vous repasser un morceau de cette série. Là, c'est le générique de la saison 1, parce qu'il y a eu toute une série, il y a eu toute une épopée. Si vous aimez ça, vous venez m'en parler sur Facebook ou MySpace, ne vous inquiétez pas, je suis intarissable sur le sujet. Et voilà, j'avais envie ce soir de vous faire écouter Inner Universe, qui est le générique de la saison 1 de l'OAV de Ghost in the Shell. Жили надо мной Thank you. Dans vos oreilles et dans vos canines, à vous mettre sous la dent, X-Dream de Miyuji. Les amateurs ont reconnu le générique du manga X de Clamp, qui est relativement magnifique, qui est une relecture moderne de l'Apocalypse selon Saint Jean. Je vous laisse découvrir la suite parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Si vous aimez ce style, vous allez vous régaler. Et juste avant, on avait pu écouter Ghost in the Shell, le générique aussi de la saison 1 du manga Inner Universe. Et on va rester dans l'esthétique, l'élégante esthétique des mangas avec un autre artiste japonais qui est un petit peu moins connu que Miyavi, mais qui a quand même une belle carrière derrière lui. Il s'agit de Tomoyasu Otei, Otei de son prénom. Et cet homme-là, je l'ai découvert par hasard lors d'un festival, les Eurokéennes, en 1998. Je ne le connaissais pas du tout et c'est une bête de scène. Et il joue de la guitare presque aussi bien que son confrère Miyavi. Et pareil aussi. Oui, là je te confirme, c'est impressionnant. T'as l'impression que les dessins des mangas à la rigueur sont moins intéressants que la réalité des coiffures de ces messieurs sur scène. C'est vraiment un exploit capillaire aussi bien que musical. Sponsorisé par le gel, quoi. Oui, c'est des invités de Tapage Nocturne qui s'étaient tapés un jour ce genre de délire. On est sponsorisé par une marque de shampoing parce qu'on est un groupe de glam rock. Pourquoi pas ? Là, voilà, sponsorisé par une marque de gel. Il y en a qui préfèrent être sponsorisés par une marque de guitare, mais bon, c'est pas grave. Et toujours est-il que Otei, cet homme-là, a fait une musique, un mélange de glam, électro assez sympa, qui parfois se répète un petit peu quand même, il faut bien le reconnaître, mais qui a surtout été connu pour la bande originale de Kill Bill, qu'il a composée il y a de ça quelques années avec le morceau Battle Without Honor Nor Humanity. Et ça a été le thème de Kill Bill et ça a fait un succès monstre. Il est connu seulement pour ce morceau-là, mais moi je vous propose de le découvrir avec un autre morceau. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, moi j'écoute parce que je connais pas, tu vois, j'ai pas pu aller aux Eurokéennes et donc je vais découvrir avec nos auditeurs qui ne connaissent pas l'artiste. Voilà, je reste tout oui. Eh bien écoute, je te demande de me croire quand je te dis que c'est de la bonne musique. En tout cas, je te propose de découvrir le morceau « Believe me, I'm a liar ». We'll be right back. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez en cours d'émission, vous êtes bien dans Clair Obscur sur Rage, l'émission dédiée aux musiques sombres, gothiques et décalées, le 90.3 pour la fréquence Vaucluse. Vous pouvez aussi nous écouter sur le 102.5 pour le Gard et l'Hérault. Bien évidemment, sur le www.rage.fr, il y a les podcasts, le Facebook et le MySpace. Voilà, donc on est sur la toile aussi. Faites-nous un petit coucou à l'occasion, c'est avec plaisir. Et c'est avec ce morceau complètement barré qu'on continue cette émission spéciale consacrée au pays du soleil levant, à la perfide Albion asiatique, j'avais envie de dire, car il se dissimule derrière une musique traditionnelle ou derrière des clichés pour nous sortir des petites perles comme celle qu'on vient d'entendre. Et c'est la scène d'art japonaise dont il est question ce soir dans Clair Obscur. Et j'avais envie de vous ramener ce morceau d'un groupe qui s'appelle Au Sommet. Et le morceau s'appelait Blue Lizard Madness. Alors, c'était extrait d'un album qui s'appelle White Reality, qui est sorti en 2005. Un album que j'avais découvert grâce à DDN, qui a animé une émission sur Rage il y a de cela quelques années, qui s'appelait Le Vide Relatif. Et cet homme-là m'avait découvert ce groupe de rock expérimental complètement déjanté. C'est complètement barré. Il y a des moments où tu te demandes où ils veulent aller, puis hop, ils te rattrapent. C'est du free jazz électrique, on va dire. Et c'est vrai que c'est un album qui était aussi surprenant que le morceau qu'on vient d'entendre, puisque c'est un double album, deux CD, avec sur l'un 4 minutes de musique, ah oui, et sur l'autre 2 minutes de musique. Ah oui, voilà. C'est original, oui. C'était un concept. En même temps, hein, voilà, ça vaut le coup. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'a pas la surprise. Non, mais c'est original, c'est à faire, vu qu'on s'en rappelle. Au moins, on s'en souvient et on en a pour son argent. Ou puisqu'effectivement, pas. C'est une question de goût après. C'est un petit peu comme le nom du groupe que tu nous as ramené et qui va suivre, puisque lui aussi, il a un nom alambiqué. Oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tout à fait. Il s'agit de The Mitchell. The Mitchell Gun Elephant. Voilà, pour sauver l'honneur. Oups. Et à la base, c'est un groupe de garage punk japonais qui a connu un très très gros succès. Notamment, ils ont influencé le premier groupe que tu nous as passé en début d'émission, dont je ne me souviens plus exactement le nom. 54 Nude Onis. Voilà, pour, c'est ça. Et donc, c'est un groupe qui a eu énormément de succès, qui a arrêté ses activités en 2003. Alors, pour la petite info sur le nom du groupe, c'est qu'ils ont fait un gros mélange entre involontaire à la base sur un album qui leur plaisait, un artiste qui leur plaisait, le nom donc, qu'ils voulaient prendre à la base. Apparemment, ils ont dû faire une répétition un peu trop alcoolisée. Et au final, ils ont gardé l'espèce de mix que ça a donné. Donc, le fameux T. Michel Gun Elephant. Faut pas chercher plus loin. À mon avis, ils ont fait une bonne soupe au niveau du nom. Et on vous dit de boire avec modération, c'est aussi quand vous cherchez des noms de groupes intéressants. Hein. Voilà. Maintenant, il y a des générateurs aussi sur Internet pour faire des groupes bizarres. Eux, ils l'ont fait eux-mêmes dans leur garage. Donc, le morceau se nomme Plasma Dive. Ça bouge pas mal. Moi, c'est vraiment le petit coup de cœur que j'ai pu trouver complètement par hasard dans la discothèque familiale. Et c'est que du bonheur pour vous et dans vos oreilles avec tout le plaisir que j'ai eu à vous le faire partager ce soir. Allez, une petite décharge de plasma dans les oreilles pour se mettre en jambes. Plasma Dive! compris, Tetsuo? Tu veux le tuer ou quoi? T'as tout compris? Je vais répandre ce mec sur toute la rue! Dans vos oreilles, vous aurez reconnu certainement pour les fans le fameux mois dit moi. On ne pouvait pas quand même faire une émission spéciale Japon sans vous en passer ce soir dans Clair Obscur. Le fameux groupe mois dit moi, fondé par Mana, qui a son image tout à fait spéciale. Et le morceau que Stéphane nous a amené ce soir, parce que mois dit moi, c'est vrai que c'est peut-être plus son truc à lui, hein. N'est-ce pas Stéphane? Garce! Oui, je me venge pour la. Tu vas me faire passer. Ah, d'accord. Tu vas me faire passer pour un amateur de Visual Kei devant tous nos auditeurs. Oui, c'était ça, le morceau Lamentful Miss qui était sorti sur un EP, ouais, voilà, qui a du même nom. En 2006, c'est bien 2006 ça le 4 octobre 2006. Et l'EP s'appelle Lamentful Miss. Et c'est vrai que c'était dit, comme tu l'as dit, c'était difficile de faire une émission consacrée à la scène d'art japonaise sans le groupe emblématique du Visual Kei. Alors, style qu'on apprécie ou pas, pour ma part, c'est vrai que je suis un petit peu circonspect souvent parce que je pense que c'est une question d'âge, je suis le premier à le reconnaître. Et c'est vrai qu'ils insistent tellement sur le côté visuel, justement, que. On oublie la musique, des fois, j'ai l'impression. Parfois, eux les premiers d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils oublient un petit peu qu'on attend des belles histoires dans les paroles et de belles mélodies dans les musiques. Et cette scène-là pâtit un peu de ce qui n'est pas un préjugé finalement, puisque ça se confirme assez souvent. Néanmoins, il y a de belles exceptions, et je dois bien reconnaître que malgré le fait que Mana-sama soit a priori un avorton qui se maquille beaucoup, ce tome-là a du talent, puisque depuis quelques années, il mène ce projet musical après Malice Misère, qui était le groupe qu'il avait avant, avec Moi Dis-moi. Oui, là encore des mots français, parce que c'est dès que tu marques un mot français sur un produit au Japon, tu es sûr d'en vendre des tonnes. Quoi. Le nom de son fan club, d'ailleurs, tant que tu parles de termes français, il s'appelle Mon Amour. C'est beau, hein ? Voilà, il a appelé son fan club comme ça. En toute modestie. Tout à fait. Eh bien, écoute, donc c'était quand même quelque chose qu'on se devait d'illustrer dans Clair Obscur. Et lui, il est sponsorisé par le maquillage, par contre, c'est pas le gel, hein, mais lui, c'est le fond de teint. Oui, sans doute, on lui demandera pas, mais c'est vrai que. On va pas citer de marque, hein, non plus, mais. La cosmétique compte au moins autant que la musique. Et il se trouve que la scène Visual Kei fait des émules, non seulement dans notre beau pays, parce qu'il y aura début juillet la Japan Expo à Paris, qui est un événement national depuis quelques années maintenant. Et ceux qui ont la webcam peuvent voir que Nathalie, pour coller à son sujet, a amené un éventail dont elle se rafraîchit. En studio. Et pour ceux qui n'ont pas la webcam, imaginez une charmante demoiselle en train de jouer les geishas. Voilà, c'est le spectacle que j'ai sous les yeux. Et pour en revenir à la musique, je disais que cette scène du Visual Kei fait des émules, et je vais vous en apporter la preuve tout de suite avec un groupe de J-Rock qui n'est pas du Japon, mais qui vient de Bordeaux, puisqu'il s'agit du groupe... un groupe que je vous avais ramené d'ailleurs dans Indiebox, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années. À l'époque où ils étaient en studio pour enregistrer leur premier album, et depuis ils ont pris du galon, ils se sont confirmés sur scène et ils progressent. Ce sont de très jeunes gens, ils n'ont même pas 20 ans me semble-t-il. C'est le groupe Lire qui vient de Bordeaux, comme je l'ai souligné. Je vous propose d'écouter tout de suite un morceau de ce premier album et de leur premier démo qui s'appelle Rosifère. Comme les larmes fondent dans le monde. À l'instant, juste pour vous, Céline, Carnival of Blood, le morceau par excellence pour se bouger un peu les fesses en fin de soirée. Alors c'est un groupe moi, que j'ai découvert, c'est un duo très exactement que j'ai découvert aussi complètement par hasard, comme quoi Internet révèle souvent de très très bonnes choses. Il ou elle, alors par contre j'avoue, j'ai été incapable de trouver des infos, savoir si ce duo était composé de jeunes hommes ou de jeunes dames, tellement ils ont un look incroyable, ils mélangent les codes traditionnels du théâtre no, du geisha, de tout ça, et avec un mélange de trans, d'industriel, de modernité, de kimono, enfin c'est magnifique. On a eu la chance de les voir en France il y a quelques temps pour la Tokyo Decadence, qui est la fameuse soirée dont on entend souvent parler à Paris. Qui était passée à Marseille l'an dernier. Voilà, et eux, ils sont passés à Paris, ils ont fait partie de la troupe quelques temps pour les sessions à Paris. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que leur côté visuel. Et le pour petite info, le duo est composé donc, de Célia et Cizène. Alors voilà, comme je dis, je suis incapable de dire si c'est des messieurs ou des dames, je sais pas. Et à la limite, je vais pas chercher à savoir plus, c'est beau, on apprécie ou pas, mais point. Ce côté androgyne des prénoms et des personnages, en tout cas, ne cache pas le côté martial du rythme qu'on vient d'entendre. Et on va passer de ce rythme martial, justement, aux percussions japonaises, au rythme des percussions japonaises, tel qu'il s'est révélé à moi au début des années 90, à l'occasion du premier manga reconnu comme œuvre artistique de ce côté-ci de la planète. Je pense bien sûr à Akira de Katsuhiro Otomo, qui a été produit en 1989 et qui a été distribué sous nos latitudes quelques années plus tard. Et pour moi, ça a été une révélation à double titre, non seulement avec le cinéma d'animation japonais au cinéma, les longs métrages qu'on peut voir sur grand écran. Le film d'ailleurs a été retravaillé, ils ont réamélioré les effets spéciaux. Il y a pas très longtemps, il y a eu une ressortie avec vraiment refait en profondeur sur pas mal de choses, où il y avait des fois des scènes qui n'étaient pas finies. Et Je me méfie de ça, parce que quand George Lucas retouche Star Wars, je regrette, mais c'est une daube alors qu'on aimait beaucoup la version originale. Non, il n'a pas été retouché salement, ils n'ont rien changé à l'œuvre, ils ont juste amélioré certaines choses visuelles. Bon, bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil, mais un petit coup d'œil circonspect. Pour le moment, quelque chose qui n'en finit pas de m'abasourdir depuis plus de 15 ans, c'est la puissance des percussions japonaises telle qu'elle s'est révélée à moi à l'occasion de ce film que je viens de vous décrire et dont la bande originale était constituée notamment de percussions japonaises. Ce son très sec et mat qu'on peut entendre sur ces instruments en bois. Je vous propose de vous en faire une idée avec un extrait de la bande originale d'Akira. Thank you. rien vu à Hiroshima. Rien. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup. Quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du bien. Tu me tues. Tu me fais du bien. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore-moi. Déforme-moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre. Je t'en prie. On vient de passer d'un chef-d'œuvre cinématographique à un autre chef-d'œuvre cinématographique, puisqu'à l'instant, c'était un extrait de du film d'Alain René, Hiroshima, mon amour, avec des textes de Marguerite Duras. Et juste avant, c'était un extrait de la bande originale du film de Katsuhiro Otomo, Akira, un film qui aura marqué toute une génération, et je m'enorgueille d'en faire partie. Voilà, on approche de la fin de cette émission, le temps passe vite, n'est-ce pas? Tout à fait, malheureusement, on va devoir déjà se quitter. Laissez-moi vous dire avec un grand plaisir, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, Oyasumi nasai, ou sinon, bonne nuit. Et quant à moi, je vous rappelle que la semaine prochaine, on a une autre émission spéciale, une émission spéciale glam rock, un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu parfois ce soir. Et je vous propose de nous quitter, avec un extrait d'une autre bande originale d'un film qui lui aussi aura marqué, un film de Nagisa Oshima qui s'appelait Merry Christmas Mr. Lawrence. Et la musique était de David Sylvian et Ryuichi Sakamoto avec le morceau Forbidden Colors. mind of Christ or a chain.